La soupe à l'abri de saucisses. Chaque année, le roi Francis du puissant royaume de Red Lake donnait un royal banquet à tous les rois et nobles de 10 royaumes à la ronde. Cette année, il souhaitait voir son fils se fiancer à l'une des princesses venues au banquet. Mais le prince était lui-même amoureux de la fille du cuisinier royal et il voulait que tout le monde sache à quel point elle était sage et intelligente. Marie, je te le redemande. Veux-tu m'épouser? Vous êtes prince, votre Altesse. Vous ne pouvez épouser qu'une princesse. Non, je ne le dois pas. Je ne peux pas imaginer épouser une femme qui ne peut même pas mettre ses propres chaussures sans 10 serviteurs pour l'aider. Un royaume n'a pas besoin d'une telle pompe. Il a besoin d'une reine sage et intelligente. Les princesses sont déjà là et le roi souhaite que vous en épousiez une. J'ai une solution. Marie, sais-tu ce que signifie faire une soupe à l'abri de saucisses? Faire une soupe à l'abri de saucisses est une expression danoise qui veut tout et rien dire. Il est impossible de faire une soupe avec une bride à saucisses. Donc, lorsque quelqu'un fait une soupe à l'abri de saucisses, cela veut dire qu'il n'est pas raisonnable. Ou alors, qu'il exige trop, ou alors qu'il en fait beaucoup trop. D'autre part, si quelqu'un réussit à faire une soupe à l'abri de saucisses, cela signifie aussi qu'il a réussi à accomplir quelque chose de vraiment difficile ou considéré comme impossible. Exactement. Cette nuit-là, tandis que tous se rassemblaient pour le banquet royal, le roi annonça. Je souhaite faire une déclaration. Comme vous le voyez, mon fils a grandi. C'est un homme, un beau prince habile à gouverner, à ferroyer et à rendre la loi. Il est temps qu'il se marie à une princesse qui sera un jour la reine de Red Lake. C'est bien vrai. Dites-nous, prince de Red Lake, comment choisirez-vous celle que vous épouserez? Je pense qu'une reine représente le futur de tout le royaume. Elle doit donc être indépendante, sage et pleine de tact. Oui, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, organisons un petit concours pour les demoiselles qui souhaitent y participer. J'épouserai la dame qui apportera la recette de la soupe à l'abri de saucisses. Comment fait-on de la soupe avec une bride à saucisses? Ça doit être infect. Et probablement très malsain. Et comment ma pauvre fille fera-t-elle une soupe? C'est une princesse! Mais si c'est la condition... Qu'il en soit ainsi, nous sommes des princesses. Nous pouvons tout obtenir. C'est vrai. Qu'il en soit ainsi. Trois princesses décidèrent de concourir. La première princesse fit fabriquer une bride à saucisses gigantesque et partit par monts et par vaux, emportant une suite de gardes et de serviteurs afin d'obtenir la recette de la soupe. Une nuit, elle se retrouva dans une forêt. Ses gardes y établirent son camp. Mais, de bonne heure, elle fut réveillée par des gloussements. Elle alla à la fenêtre. Elle vit des nymphes émerger des fleurs. Elle semblait discuter de quelque chose. Elle prit la bride à saucisses et sortit à leur rencontre. Waouh ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Salut ! C'est une bride à saucisses que tu as là ? Oui ! Elle est énorme! Je n'en ai jamais vu d'aussi grosse! C'est juste ce que nous cherchions! Pouvons-nous te l'emprunter quelques minutes, s'il te plaît? Bien sûr! Les nymphes s'envolèrent haut dans le ciel, enveloppèrent la bride de lumière du soleil et créèrent une douche de gouttes de rosée sur toutes les feuilles et les fleurs. Après quoi, elles s'en revinrent rendre la bride à la princesse. Merci beaucoup, princesse! Pourriez-vous me venir en aide? De quoi s'agit-il? Je recherche la recette de la soupe à la bride à saucisse. Nous venons juste d'en faire, princesse. Nous venons de faire de la soupe à la bride à saucisse. Nous ne connaissons pas d'autre façon d'en faire. Mais tiens, cela te plaira. La première princesse s'en revint trouver le prince avec la bride. On n'a pas pu me dire comment cuisiner la soupe à la bride à saucisse, mais on m'a donné cela. Je suis allergique aux violettes. Oh, je suis désolée. Je suppose que c'est à la prochaine concurrente d'essayer. C'était donc le tour de la deuxième princesse. Elle s'en fut prendre conseil chez sa sage grand-mère. De la soupe à la bride à saucisse, dis-tu? Pour préparer ça, tu dois chercher la sagesse, la farcir d'imagination et l'exprimer avec le cœur d'un poète. Chercher la sagesse, la farcir d'imagination et l'exprimer avec le cœur d'un poète. Ok, je suis une princesse, je peux faire cela. La princesse n'avait pas bien compris ce que sa grand-mère avait dit. Elle réunit tous les érudits et les peintres, les poètes de son royaume, en une grande délégation et s'en fut voir le prince. Votre Altesse, je détiens le secret de la préparation de la soupe à la bride à saucisse. Vraiment? Tout ce qu'il faut pour préparer une soupe à la bride à saucisse, c'est de ramasser de la sagesse, la farcir d'imagination et l'exprimer avec le cœur d'un poète. Voici tous les érudits de mon royaume pour la sagesse, des peintres pour l'imagination et des poètes pour l'expression. Princesse, le concours était pour vous, pas pour les érudits, les peintres et les poètes de votre royaume. Mais, Votre Altesse, mais je suis une princesse et les princesses ne font jamais rien d'elles-mêmes, voyons. Je crois que c'est à la dernière concurrente, sire. La troisième princesse décida donc de tenter sa chance. Elle s'en fut jusqu'aux confins du royaume. Elle entra un jour dans un village où elle entendit des bruits, comme si deux enfants se disputaient. Je serai la première à le prendre, je l'ai vu le premier. Non, c'est moi, je l'ai vu le premier. Mais qu'importe qui l'a vu le premier. Contentez-vous de rentrer et de prendre un bol de lait pour ce chiot. Arrêtez de faire de la soupe à la bride à saucisse. Ah! Soupe à la bride à saucisse. Excusez-moi, madame. Oui? Pourriez-vous me donner la recette de la soupe à la bride à saucisse? Recette? Oui! Je suis une princesse. Je vous récompenserai largement si vous me donnez la recette, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça n'existe pas, une soupe faite à la bride à saucisse. Mais vous venez de... Faire de la soupe à la bride à saucisse est une expression danoise qui veut dire soit être bête et déraisonnable, soit faire quelque chose de totalement impossible. Ah! Il n'y a donc pas à proprement parler de soupe qui puisse être cuisinée avec une bride à saucisse? Non, Votre Altesse. Ah! La princesse revint à la cour et raconta tout. Alors, vous voyez, Votre Altesse, il n'y a pas de soupe qui puisse être faite avec une bride à saucisse. C'est vraiment atroce. Vous avez forcé nos filles à s'affronter pour rien. Comment osez-vous traiter ainsi nos précieuses princesses? Ma pauvre fille a parcouru tout le royaume pour avoir la recette. Oui, avec 100 serviteurs. Seulement 100 serviteurs? Ma pauvre petite princesse, et tout ça pour rien. Nous laverons cet affront, nous le ferons. Il y aura une guerre, oui. Oui, il y aura une guerre. Il y aura une guerre. Oui, la guerre. Il y aura une guerre. Oui, il y aura une guerre. Attendez, Vos Altesses. Il existe une soupe qui peut être faite avec des brides à saucisses. Vraiment? Oui. Montre-nous. et nous n'y croirons pas tant que nous n'y aurons pas goûté. Très bien, Votre Altesse. Apportez-la. Merci. Alors, cette soupe a trois ingrédients. On prend d'abord de l'eau qu'on fait vraiment bouillir. Ensuite, on y met les brides à saucisse. Bien sûr, puisque c'est le principal ingrédient qu'il y a. Et vient ensuite la troisième et dernière chose dont nous avons besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est la raison pour laquelle la recette n'est pas connue de tous. Qu'est-ce que c'est? L'or fondu de trois couronnes royales. Quoi? Oui. Cette soupe très particulière ne peut être préparée sans cela. Voulez-vous y goûter, Votre Altesse? À présent, les rois et les reines étaient inquiets. C'est une cause de grand embarras pour un roi d'enlever sa couronne. Mais là, c'était eux qui avaient demandé la preuve de l'existence d'une telle soupe et ils avaient voulu la goûter. L'un des rois eut soudain une idée. Il se leva et dit avec toute la pompe qu'il put rassembler « Bien, goûter à la soupe reviendrait à déshonorer notre hôte, son Altesse Royale, le roi de Red Lake. Et notre haut rang ne le permettra jamais. Nous croyons donc que la soupe existe et convenons qu'elle doit être délicieuse, mais nous ne souhaitons pas la goûter. Vous n'avez donc pas à la préparer. » Oui, nous ne souhaitons pas la goûter. Oui, nous ne souhaitons pas la goûter. Alors, très bien. Je pense qu'il est juste que cette servante, qui a finalement réussi à nous apporter la recette de la soupe de brides à saucisse, mérite d'être déclarée gagnante du concours. Oui, nous en convenons. Oui, nous en convenons. Madame, acceptez-vous d'épouser mon fils, le prince de Red Lake? J'accepte, Votre Altesse. Ainsi, Marie usa de tact pour sauver les quatre royaumes d'une guerre sanglante. Elle évita au royaume de faire une soupe à la bride à saucisse. Elle et le prince se marièrent et gouvernèrent le royaume avec sagesse et compassion.